de loi street. On cherche du fric, fric, prépare-toi un bad trip. T'es dans la merde comme une voiture de spit sans batterie. Si tu m'emmerdes, allô, sans fort de la batterie. C'est un drame, et t'es sous le drap. Ou à zéro, c'est que de là. On a tiré dans le tas comme dans la foule. Ne parle pas devant les spits, sinon c'est rap, ta ta ta. Dans tes chicots, appelle ta ta ta. Si elle est chic, appelle ton papa. Si il fait des chics, y'a tout ce qu'il faut, du vrai et du faux. Y'a même du vrai avec des défauts. Y'a des crasseuses qui jouent les bimbos. Y'a des escrocs qui ont rien à graille dans leur frigo. Loi street, c'est notre compartiment. Ça se remarque pas à notre comportement. J'ai vu à Wall Street, ghetto. C'est chic, on my trip, ghetto. J'irai de loi street, ghetto. Ghetto. J'ai vu à Wall Street, ghetto. C'est chic, on my trip, ghetto. J'irai de loi street. Ghetto. Quand la sana prend le mic, c'est auto. Quand cartel prend le mic, ça fait pop. Quand Wall Street se met en place, c'est trop hip hop. Pop. Même si t'es prêt, car on vient rapper, te braquer, te baffer. Allume les baffes et fais péter les basses. On est tous prêts à kicker. Qui a dit que le rap ne demeurait qu'à Paris? Ne soit pas demeuré, le rap est né à Wall Street. On a tous un chargeur, prêt à être déchargé. Bienvenue à Wall Street, c'est bang bang. Comme le jour du ping pong, pas besoin de bling bling. Si c'est trop technique, bienvenue à Wall Street. Bienvenue à Wall Street, ghetto. C'est chic, on my trip, ghetto. J'irai de Wall Street, ghetto. Bienvenue à Wall Street. Ghetto, c'est chic, on my trip, ghetto. J'irai de loi street, ghetto. Bienvenue à Wall Street, ghetto. C'est chic, on my trip, ghetto. J'irai de loi street, ghetto. Bienvenue à Wall Street, ghetto. C'est chic, on my trip, ghetto. J'irai de loi street, ghetto.